Madame Hulot, atteinte au cœur par l'affreuse confidence que dans sa rage Hortense lui faisait sans le savoir, dompta sa douleur par un de ces héroïques efforts dont sont capables les grandes mères, et elle prit la tête de sa fille sur son sein pour la couvrir de baisers. Attends, Venceslas, mon enfant, et tout s'expliquera. Le mal ne doit pas être aussi grand que tu le penses. J'ai été trahie aussi, moi, ma chère Hortense. Tu me trouves belle, je suis vertueuse, et je suis cependant abandonnée depuis 23 ans pour des Jenny Cadine, des Josepha, des Marneff. Le savais-tu? Toi, maman, toi, tu souffres cela depuis 20. Elle s'arrêta devant ses propres idées. Imite-moi, mon enfant, reprit la mère. Sois douce et bonne, et tu auras la conscience paisible. Au lit de mort, un homme se dit « Ma femme ne m'a jamais causé la moindre peine, et Dieu, qui entend ces derniers soupirs-là, nous les compte. Si je m'étais livré à des fureurs comme toi, que serait-il arrivé? Ton père se serait aigri, peut-être m'aurait-il quitté, et il n'aurait pas été retenu par la crainte de m'affliger. Notre ruine, aujourd'hui consommée, l'eût été 10 ans plus tôt. Nous aurions offert le spectacle d'un mari et d'une femme vivant chacun de son côté. Scandale affreux, désolant, car c'est la mort de la famille. Ni ton frère, ni toi, vous n'eussiez pu vous établir. Je me suis sacrifiée. Et si courageusement que, sans cette dernière liaison de ton père, le monde me croirait encore heureuse. Mon officieux et bien courageux mensonge a jusqu'à présent protégé Hector. Il est encore considéré. Seulement, cette passion de vieillard l'entraîne trop loin, je le vois. Sa folie, je le crains, crèvera le paravent que je mettais entre le monde et nous. Mais je l'ai tenu pendant 23 ans, ce rideau, derrière lequel je pleurais, sans mère, sans confident, sans autre secours que celui de la religion, et j'ai procuré 23 ans d'honneur à la famille.